Sophonie chapitre 2. Examinez-vous avec soin, ô nations qui n'êtes pas aimables. Avant que le décret enfante, et que le jour passe comme de la balle, avant que l'ardeur de la colère de l'Éternel vienne sur vous, avant que le jour de la colère de l'Éternel vienne sur vous. Vous, tous les débonnaires du pays, qui faites ce qu'il ordonne, cherchez l'Éternel, cherchez la justice, cherchez la débonnaireté, peut-être serez-vous mis en sûreté au jour de la colère de l'Éternel. Mais Gaza sera abandonnée, et Ascalon sera en désolation, on chassera les habitants d'Asdod en plein midi, et Écron sera arraché. Malheur aux habitants de la contrée maritime, à la nation des Kérétiens, la parole de l'Éternel est contre vous. Chanan, qui est le pays des Philistins, je te détruirai, tellement que personne n'y habitera. Et la contrée maritime ne sera que cabane, que loge de berger, et parc de brebis. Et cette contrée sera pour le reste de la maison de Juda, ils paîtront dans ces lieux-là, et le soir ils feront leur gîte dans les maisons d'Ascalon, car l'Éternel, leur Dieu, les visitera, et il ramènera leurs captifs. J'ai ouï les insultes de Moab, et les invectives des enfants de Ammon, dont ils ont diffamé mon peuple, et l'ont bravé sur leurs frontières. C'est pourquoi, je suis vivant, dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, que Moab sera comme Sodome, et les enfants de Ammon comme Gomorre, un lieu couvert d'orties, et une carrière de sel et de désolation à jamais, les restes de mon peuple les pilleront, et les restes de ma nation les posséderont. Ceci leur arrivera en échange de leur orgueil, parce qu'ils ont usé d'insulter de vanterie contre le peuple de l'Éternel des armées. L'Éternel sera terrible contre eux, car il amaigrira tous les dieux du pays, et on se prosternera devant lui, chacun de son lieu, même toutes les îles des nations. Vous aussi, habitants de Chu, vous serez blessés à mort par mon épée. Il étendra aussi sa main sur l'Aquilon, et il détruira la Syrie, et mettra Ninive en désolation, en un lieu aride comme un désert. Et les troupeaux feront leur gîte au milieu d'elle, et toutes les bêtes des nations, même le cormoran et le butor, logeront dans ses porteaux, la voix des oiseaux retentira à la fenêtre, la désolation sera au seuil, parce qu'il en aura abattu des cèdres. C'est là cette ville remplie de joie, qui se tenait assurée, et qui disait en son cœur, « C'est moi, et il n'y en a point d'autre que moi. » Comment a-t-elle été réduite en désert, pour être le gîte des bêtes? Quiconque passera près d'elle, se moquera, et branlera sa main.